Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, appelle le comité chargé d'accréditation de faire une évaluation objective des raisons avancées par cette commission sur les allégations de violation des droits de l'homme au Burundi. Le Premier ministre burundais affirme devant le Parlement le 24 avril de cette année que la pénurie des produits pétroliers au Burundi est due aux sanctions apprises contre le Burundi en 2015. Dans cette édition, on revient également sur les conséquences de cette pénurie des produits pétroliers sur les déplacements en mairie de Bujumbura comme à l'intérieur du pays. La mise en onde de cette édition est assurée par Alphonse Kugiman. La radio de l'avenir. Parlons droits de l'homme. Pour débuter cette édition, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme s'étonne des allégations du comité en charge d'accréditation sur les cas des violations des droits de l'homme non traités par la CNIDH. Dans un point de presse animé ce lundi, Dr Sixte Vignini Muraba a indiqué que la lecture du rapport fourni par la Commission pourrait avoir été difficile car tous les groupes qui ont saisi la CNIDH ont bénéficié de leurs services. Le président de la CNIDH annonce en outre que la commission a fait recours pour qu'il y ait une évaluation objective des raisons avancées dans le rapport, mais aussi consulter d'autres partenaires de la CNIDH afin d'avoir toutes les informations nécessaires. On l'écoute encore une fois. Le statut homologable dit jusque vers mai 2025. On continue à opérer comme on était. Et deuxième, c'est qu'il y a d'autres options. L'option qui suit, c'est le recours et on a déjà déposé le recours auprès du bureau de l'Alliance globale pour leur demander de lire objectivement les réseaux que nous avons avancés, mais aussi de consulter nos partenaires parce que c'est étonnant, il se peut qu'on n'a consulté personne ici au Burundi, on n'a consulté aucune ambassade, que ce soit les ambassades de l'Union européenne, que ce soit les ambassades africaines, que ce soit les autres ambassades ou les représentations, même des institutions, les agences des Nations Unies, je pense qu'ils n'ont pas été consultés. La société civile ici au Burundi n'a pas été consultée. Je ne sais pas s'il y a un médium qui a été consulté. Ça, c'est un peu anormal parce que si vous avez des informations ici détaillées, vous avez l'obligation de consulter les personnes qui sont citées ou même les organisations qui sont citées. Et ce qui est étonnant, c'est que la majorité des institutions compatissent avec nous parce que la CNIDH du Burundi était le modèle dans la région. C'est nous qui devions aller toujours former les autres. Et donc, ça se conçoit mal comment une institution comme celle du Burundi, auquel doit faire recours l'Alliance francophone des institutions des droits de l'homme pour les formations, auquel doit faire recours le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, auquel doit faire recours le réseau des institutions nationales des droits de l'homme au niveau africain pour les formations et pour le partage d'informations puisse être rétrogradé au statut B, alors que c'est nous qui avons aidé tous ceux qui sont en train de retrouver leur statut A. Docteur Sixte Vignini Muraba, président de la CNIDH, au micro de Francine Ndihokubgayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition. Le déplacement dans la capitale économique Bujumbura est toujours question casse-tête suite à la persistance de la pénurie des produits pétroliers. Et sur différents parkings visités au nord de la capitale Bujumbura, l'avant-midi de ce lundi, aucun véhicule n'était disponible. Du côté des bus partant de la mairie de Bujumbura vers l'intérieur du pays, c'est devenu un véritable calvaire selon les passagers et chauffeurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro le matin de ce lundi sur le parking dit Kotebu. À titre d'exemple, ceux qui vont en province Ngozi payer 25 000 francs burundais, le ticket qui est censé être à 12 000 francs burundais. Ces voyageurs demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème de carburant. Une information que nous devons à Sheila Irambona. C'est vers 10h du matin, lorsque nous sommes arrivés au parking d'Ikotebu, là où se trouvent les bureaux des agences de voyage, Beaucoup de gens étaient devant ces bureaux. Interrogés, quelques-uns ont indiqué qu'ils sont là depuis 6 heures du matin, mais que la chance d'avoir un moyen de transport s'amenuise d'heure en heure. Ce lundi, l'enclos, qui était dans le temps rempli de quoi, était presque vide. Seule l'agence Air Ponctuelle, sur les 9 agences présentes sur place, avait des véhicules sur le départ. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro nous ont indiqué que le ticket de transport était entre 20 000 et 25 000 francs, un ticket qui avait l'habitude d'être payé 12 500 francs et à Gitega, le ticket se payait 15 000 francs ce lundi alors qu'officiellement il est à 9 500 francs. À Muyinga, le ticket était à 40 000 francs alors que le ticket était censé être à 16 500 francs. Tous ceux qui se sont exprimés ont demandé à ce que ce problème de carburant soit résolu. Nous pouvons nous procurer un ticket de transport mais à un coût très élevé. Nous l'avons eu après avoir attendu très longtemps. Avant, j'avais l'habitude de payer 15 000, mais maintenant, on demande 25 000. Une demande également faite par ceux qui font le transport vers l'intérieur du pays par taxi. Vraiment, il faut demander l'intervention divine. Je viens d'acheter un bidon de 20 litres à 350 000 francs bouts. C'est vraiment déplorable. Nous ne pouvons pas demander à un client de payer 10 à 15 000 francs pour aller à Kayanza ou à Bukéyé. On travaillerait à perte. Nous nous retrouvons en train de dilapider l'argent investi dans le carburant. On vient de passer des jours sur les stations-service. Le pire, c'est que nous ne pouvons pas avoir accès au carburant, même s'il n'y a pas de pénurie. Nous demandons au gouvernement de disponibiliser le carburant pour que nous continuions à vaquer à nos occupations. Si les informations recueillies sur place indiquent que certaines agences ont préféré stopper leurs activités depuis ce vendredi, faute de carburant. Hors micro, certains voyageurs se sont demandé pourquoi cette situation persiste alors que le gouvernement a mis en place une société chargée de s'occuper de cette question de carburant, la SEPEBU. Et à l'intérieur du pays, le prix du ticket de transport en commun a doublé pour les passagers qui quittent Gitega vers d'autres provinces, mais il a plus que doublé pour ceux qui vont à Bujumbura ou qui viennent de la vers Gitega suite à la persistance de la pénurie du carburant. Le personnel des agences de voyage dit qu'il est en chômage technique au moment où les chauffeurs et propriétaires des engins consomment du carburant et la population en général réclame du carburant en quantité suffisante. Les détails avec Gérard Nibigira. Ces jours-ci, le prix du ticket de transport en commun pour les passagers qui quittent Gitega vers d'autres provinces a passé du simple au double. Par exemple, un citoyen que nous avons rencontré le matin de ce lundi au parking de véhicules de transport en commun de Gitega Sizazege a fait savoir que ce dimanche, il a payé 50 000 francs bout de ticket Bujumbura Gitega dans la voiture taxi de type Probox. C'est au moment où, en temps de l'abondance du carburant de type essence, le ticket Bujumbura Gitega vice-versa varie de 12 à 15 000 francs dans la voiture Probox. Et dans le minibus, il y a le ticket actuel Gitega Bujumbura est de 20 000 francs et deux fois plus. Alors qu'en temps normal, il est de 10 000 francs. Et les passagers qui ont quitté Gitega vers Bujumbura ce lundi ont payé un ticket variant de 30 à 40 000 francs, même plus. Cela étant, le ticket Gitega Ngozi est actuellement de 20 000 francs ou plus dans la voiture Probox. Alors que dans les conditions de suffisance de l'essence, il est de 10 000 francs. Même chose pour le ticket de transport Gitega Karusi, Gitega Rutana et Gitega Ruigi. Certains chauffeurs de ces voitures taxi qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros ont expliqué cette hausse du ticket par l'achat de l'essence au marché noir à un prix élevé qui varie de 15 à 20 000 francs le litre. Et le personnel des agences de voyage comme Volcano, Tramway, Wexe, Ingenzi, Dusma, Ikilesi et d'autres avec qui nous sommes entretenus nous ont révélé que leur véhicule de type bus ne fonctionne plus depuis 3 jours faute de carburant de type mazout. Et l'agence de voyage Ingenzi qui emprunte l'axe Gitega Muyinga s'approvisionne quelquefois à mazout en Tanzanie à un prix élevé qui oscille autour de l'équivalent de 2000 francs le litre, comme le précise son personnel. Néanmoins, ce dernier ajoute que pour éviter le travail à perte, cette pratique n'est pas fréquente. Et aucune station-service sur plus d'une vingtaine inventoriée à Gitega ne dispose de carburant ce lundi. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. La pénurie du carburant dans le pays est une conséquence des sanctions prises par la communauté internationale contre le Burundi en 2015. C'est du moins des précisions du Premier ministre burundais lors de la présentation du rapport semestriel du gouvernement au Parlement burundais. C'était le 24 avril de cette année, répondant aux préoccupations des députés et sénateurs sur ce manque criant des produits pétroliers. Gervaine de la Kobucha a indiqué qu'il n'avait pas de réponse concrète. On l'écoute dans cette traduction française d'Evariste Nzikobanyan. Moi, en tant que Premier ministre, je n'apporte rien comme solution à ce problème de manque de carburant. Il y a ceux qui avaient proposé les voies et moyens pour trouver des devises afin de résoudre ce problème. L'important est de comprendre d'où est né ce problème. Ce sont des conséquences des sanctions qui nous ont été prises à partir de 2015 jusqu'en 2020. S'il y a ceux qui ne l'ont pas constaté et que la situation économique d'alors était bonne, et pour trouver solution à ce problème, il faut redynamiser tous les secteurs qui puissent faire entrer des devises dans le trésor public. Même si l'on est en train de produire sans toutefois exporter, c'est toujours problématique. L'on se souvient que pendant la saison sèche, le pays faisait entrer dans le trésor public beaucoup de devises sur le café. Est-ce qu'aujourd'hui, tel est le cas? Aujourd'hui, pour exporter le thé et le café, l'on doit se confier aux commissionnaires et on n'accède pas au marché. Ça aussi, c'est un problème. Moment où l'on n'aura pas de marchandises à exporter, la question restera posée. La production intérieure a été bonne, mais on doit toujours importer des vivres. La réponse à cette problématique de manque de carburant est d'avoir des marchandises à exporter pour qu'elles puissent générer des devises qu'on va utiliser pour faire entrer des produits stratégiques dans le pays. En parlant de la persistance de la pénurie des produits pétroliers, on revient dans cette édition sur les missions de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, une société nommée par décret présidentiel du 20 février de cette année. Son directeur général a un mandat de 4 ans renouvelable sur base des performances. Et le conseil d'administration est composé de 7 personnes, dont un des représentants des importateurs des produits pétroliers. Le point avec Doreib Ingabire. Ce décret présidentiel du 20 février portant création, mission, organisation et fonctionnement de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, est constitué de 55 articles. Le premier précise qu'elle est régie par le code des sociétés, dotée d'une personnalité juridique, d'un patrimoine propre et une autonomie administrative et financière. La Sopebu est placée sous la tutelle du ministère ayant l'énergie dans ses attributions. L'article 2 de ce décret parle des missions de la dite société et sont au nombre de 14. C'est notamment de planifier et coordonner les activités de promotion et de développement du secteur pétrolier, de constituer un stock stratégique physique des produits pétroliers pour une consommation trimestrielle au minimum et de gérer des entrepôts de l'État disponibles et à construire. Le décret précise en outre que la Sopebu est chargée de l'importation, du transport, du stockage et de la distribution, de la commercialisation et de la réexportation des produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés. L'article 4 montre que cette société a un capital de 120 milliards de francs burundais avec 1000 actions à un capital libéré par l'État du Burundi et ou les sociétés publiques. Les articles 7 et 23 de ce décret du 20 février parlent de mandat du directeur général du conseil d'administration. C'est un mandat de 4 ans renouvelable sur base des performances. Selon l'article 7, le conseil d'administration est composé de 7 membres. 6 représentent l'État. Il s'agit du directeur général de la société, d'un représentant de la superstructure, du ministère en charge des finances, celui en charge de l'énergie, du ministère du commerce et celui en charge de la sécurité. Le 7e membre représente les importateurs des produits pétroliers. Selon l'article 31, le personnel de cette société, y compris les directeurs, sont recrutés recrutés sur base des tests et concours conformément à la législation à vigueur. Quant à l'article 42, il montre que les comptes de la SOPEBOU sont sous le contrôle permanent des deux commissaires aux comptes pour un mandat de 3 exercices budgétaires renouvelables et nul ne peut être candidat au poste du commissaire aux comptes de la société s'il est apparenté ou allié jusqu'au deuxième degré du directeur général ou d'un membre du conseil d'administration. Point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimane qui a assuré la mise en onde. Au revoir.